Après 2 ans d'absence, le nouvel hebdo nous apprenait que la course de la relève sera maintenant de retour dans 2 semaines environ. Question de savoir un peu comment on va s'organiser, s'il y a de l'engouement, on parle avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, après deux ans de COVID, j'imagine qu'on est content de revenir et dans une course pratiquement normale. Là. Ah oui, vraiment, là, ça fait du bien. On est content. Le comité organisateur, on a vraiment une bonne réponse aussi du volet des scolaires, les jeunes. On sent que l'engouement est là, puis le monde a hâte de sortir, de courir, de s'amuser, puis de se rassembler. On est bien content. On a bien hâte. Qu'est-ce à quoi vous attendre? À quoi qu'on peut s'attendre pour la c'est quoi la 8 la quoi, plus que ça, ça faire 20e, au moins 20 ans que ça existe? C'est la 18e édition cette 18e, année. ouais, ok. Ouais, exactement. Ça fait 18 ans. L'année passée, puis il y a 2 ans. L'année passée, on a fait une édition modifiée, on va dire virtuelle. On a quand même fait de la promotion dans les écoles. C'était via les enseignants d'éducation physique qu'on avait fait ça. Mais cette année, c'est notre 18e officiel en préventiel. Nos attentes en tant que telles, là, je dirais que on essaie d'être un petit peu plus conservateur que 2019. On sait que depuis 2016, ça monte à chaque année. Ouais. On a atteint le 1000 participants. On était à 1150 en 2019, dont 980 jeunes. Okay. On peut s'attendre peut-être à, je dirais, on vise le 1000 encore participants au total. Puis pour ce qui est des jeunes, peut-être un 800-900, on serait vraiment satisfait. On voit qu'il y a des écoles là, comme Saint-Félicien sont embarquées, les deux écoles. Après ça, on a Saint-Méthode. Il y a de l'engouement un peu à l'extérieur aussi là, de notre secteur Marie-Chapdelaine, fait qu'on est bien content. Ben, c'est sûr que quand les écoles sont embarquées, c'est plus facile à amener du monde, hein? Exactement, oui, tout à fait. Puis tu sais, nous autres, la course à relève, je dirais que le noyau de la course, c'est les jeunes, c'est la promotion dans les écoles. Puis, tu sais, c'est ça qui fait que c'est beau, en fin de compte. Ça attire aussi les adultes. Cette année, j'ai fait une nouvelle collaboration pour le volet marche parce que, okay. Bon, avant, depuis plusieurs années, on était avec l'entreprise Sécuricare. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu continuer parce que manque de faute de bénévoles. Fait que on s'est comme tourné vers un autre organisme qui est vraiment. Il y a un peu les mêmes valeurs que nous autres, l'organisme Parents Ensemble. Fait que les autres vont arriver avec leur énergie. Fait que ils vont faire la marche 18h30 le mardi 31 mai. Fait que c'est 5$. Puis vous pouvez. Puis les profits vont aller à Parents Ensemble, j'imagine. Oui, exactement, pour cet aspect de la marche-là. Ouais. Fait que okay. Tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que tu sais, il va y avoir beaucoup de monde. C'est festif. Puis on met l'accent sur les jeunes. On essaie aussi, on garde des coûts très bas. Même si la vie coûte plus cher, on essaie de garder des coûts bas. Tu sais, les maternelles 1-2, c'est 2$, c'est rien. Mmh. Après ça, 3-4-5-6 secondaires, c'est 5$. C'est vraiment pas cher. C'est sûr que il faut avoir de plus en plus de partenaires, par exemple. Parce que, tu sais, comme nous, organiser des événements, ça coûte de plus en plus cher quand même. Ouais. Tu sais, la nourriture, les assurances, tout est plus complexe. Tu es capable d'avoir des commanditaires cette année? Oui, sûrement. Ben oui, on a une bonne réponse quand même, là, au point de vue des entreprises. Ça a bien répondu comme à chaque année, même que cette année, on a poussé un peu plus là, pour avoir des partenaires financiers. Là, fait que pour justement, vu que ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas eu de course, on veut quand même être sûr d'être correct financièrement. Là. OK, dis-moi le trajet, ça va ressembler à quoi? Ben là, on est au complexe sportif des Jardins, donc on revient à notre secteur d'Olbeau cette année, 2022. C'est le même genre de parcours qu'avant. La seule différence, c'est que au lieu de passer sur la 4e avenue comme avant, ben, vu qu'ils ont fermé ça là, avec les rénovations du complexe, on va vraiment passer dans le stationnement en arrière de l'hôtel de ville. OK. Donc, c'est vraiment là, mais tu sais, c'est le même genre de parcours. Tu sais, 5 km, l'adulte va aller dans le quartier des Anglais. Après ça, on s'en va jusqu'à la 2e avenue, on revient par le boulevard Wildberg. Fait que c'est vraiment assez similaire. C'est le même genre de parcours. La seule différence, c'est qu'on passe dans le stationnement arrière de l'hôtel de ville là, pour toutes les courses. OK. Pierre-Luc, tu as peut-être changé parce que je pense que tu as bougé un peu. Donc, on entend bien. Donc, là, c'est correct. Ça va être très, très, très intéressant encore une fois. Donc, pour les gens qui veulent s'inscrire, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, on appelle qui pour savoir c'est qui. Il y a un site internet pour l'année passée. Oui, il y a un site internet, courselarelève.com. Sinon, on a une page Facebook aussi, Course la Relève d'Olbeau-Missassigny. Donc, toutes les informations sont là-dessus, puis il y a des contacts aussi pour nous rejoindre. On est très disponibles. OK. Puisque tu t'occupes encore, je vois passer souvent le Club du Mille. Comment ça va cette année? Ça va bien. On est, je dirais qu'on recommence les compétitions tranquillement. Il y a le championnat régional d'athlétisme la semaine prochaine à Jonquière. Donc, il y a quelques jeunes qui vont participer. Sinon, ben, on offre le service encore lundi, mercredi. On va continuer cet été. C'est moi qui vais faire les 2 jours d'athlétisme aussi là, au camp multisport là, qui est offert par la ville. Là. Fait que c'est ça, on continue. Je te dirais que j'ai quinzaine de jeunes là, à peu près présentement. Fait qu'on continue à faire. Je te dirais que le COVID a fait mal un peu, point de vue de ma relève, là, ben, je dirais si on est à 4-5, là, il y en a qui sont rendus au Cégep, fait que ces gens-là n'ont pas pu faire les compétitions malheureusement. Ouais. Fait que j'ai comme perdu là, des athlètes qui, ça faisait quand même quelques années qu'ils s'entraînaient pour des grosses compétitions qu'on n'a pas pu les faire. Ah, c'est triste. Mais tu sais, je dirais qu'on est on est en on est en on est stable, là, je dirais. OK. Bien, Luc, un gros, gros merci, au plaisir de se parler. Yes, salut Denis. Bien, Luc, maintenant, qui s'occupe de la cause de la relève 18e édition, qui aura lieu le 31 mai prochain dans les rues de Dolbeau, Mistassini.